Allô? Salut Tony, c'est Michel. Hey Mike, ça va? Ça va bien, toi? What's new? Yann Taupe au fond de solidarité. Gagne pas 400 000 par année pour promouvoir Montréal et pourtant des milliers de jeunes femmes y viennent dans l'espoir de le rencontrer dans un bistrot branché du plateau. À l'accueillant, votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement de temps de nous remettre de la nouvelle soirée du hockey TVA à 5 milliards de dollars. Fred Savard, bonsoir. Écoute! Comment? Écoute! Oh, vous parlez de Rogers, là! Ben, je comprends, c'est tout un taux du chapeau, ça, wow! Hey, mais ça, c'est clair. Et pour le Québec, vous savez ce que ça veut dire, ben hein? Oui. Ça veut dire que TVA Sports va diffuser les matchs du Canadien dès l'an prochain. Hey, c'est pas ben, rien, ben, c'est ça. Normal que ça arrive à Québécois, ça. Ils sont en train de construire un aréna neuf, là. Ouais, mais c'est pas ça que je fais le lien, là. Ben là, il faut le remplir. Avec quoi? Ben là, ils vont mettre des écrans géants. Les gens de Québec vont aller voir les Canadiens dans leurs amphithéâtres neufs. Voyons donc! 2 plus 2 égale 5. Mais pourquoi ils feraient pas ça dans le sous-sol, les gens ben là, de Québec? Il est neuf, l'aréna. Faut bien qu'ils l'utilisent. À un moment donné, 400 millions pour un show de Céline Dion par année, là, ouais. Ça marche pas. Hein? Non, c'est sûr. Quand tu y penses, dans le fond, ça leur fait une belle sortie, les gens de Québec. Ben hein? Oui. Ils vont pouvoir montrer leur belle Honda Civic sur le chemin 4 bourgeois. Faut pas que les matchs finissent trop tard. Hein? Ils roulent les trottoirs en avant. Oui, oui. OK. Sinon, toujours dans le domaine du gros bourgeois, on a appris cette semaine, vous l'avez vu, hein, que c'était payant en 6 boulots à être PDG de Tourisme Montréal. Hein? Oh, mais là, dis-moi pas que Charles Lapointe a reçu 5 milliards en prime de départ? Non, mais pas loin, Fred. Hein? Ah ouais. Il a reçu une prime d'à peu près 650 000 $ Bon. Ben, il faut lui permettre de se trouver autre chose entre-temps. Oui, oui. Mais en même temps, c'est beaucoup d'argent pour une ville comme Montréal. Il paraît que le PDG de Tourisme New York gagne moins que ça. Oui, mais ben, en même temps, c'est New York. Ouais. C'est pas... petite ville de Nouvelle-Angleterre. Ben oui, c'est ça. Et puis, vous connaissez pas le marché des PDG de tourisme. Non, j'avoue. En fait, non, mais c'est vrai, hein, c'est très comparable comme salaire si on regarde avec le PDG de Tourisme Los Angeles, Tourisme Dubaï, c'est pas des blagues, et Tourisme Saturne. Ah, ben non, mais ça, c'est un Tourisme Saturne. C'est sûr que les budgets de déplacement sont plus importants. Hein? Oui, ben une 45 le gaz, mon gars, là, la navette Saturne Terre, c'est. Ça te prend une grosse tank. Ça te prend un gros lunch aussi. Oui, il n'y a pas de Tim Hortons entre les deux. Il paraît que le Madrid sur Mars est fermé. Il est fermé. Ouais. Il y a juste Normand Lamour, il est resté sur Mars. Lui. Il est là. Sinon, autre nouvelle, il y a Philippe Schnob qui en a eu une bonne cette semaine. Une très belle nouvelle. Ah hein? Oui. Oui, il va retrouver la barre de son émission. C'est ça la vie. Mais non. Non, c'est pas vrai. C'était pas ça la nouvelle. Il va devenir PDG de la STM, oui. Hein? Un autre poste avec la belle grosse argent. Ben ça. Oui. Je sais pas qui a dit que ça allait mal à Montréal. Hein? Ben l'argent coule à flot, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. Non, mais c'est quoi ses compétences à Philippe pour diriger la STM? J'ai pas vu venir, celle-là. C'est ça. Écoutez, monsieur le maire hein, nous a dit que Philippe était un grand Montréalais qui prenait le métro et qu'il aimait faire du vélo. Oh et il faut aimer faire du vélo quand on prend le métro non, parce j'avoue. Que ça tombe souvent en panne. Là, avoir su! Ouais. Non, mais avoir su, j'aurais postulé. Moi, j'habite Montréal. Je mesure 6 pieds 3. Ben, pour moi, vous êtes pas grand à bonne place, Fred. Ça doit être ça, parce que... Non, mais... Je fais du vélo, j'ai ma carte opus. Je pense qu'il fallait travailler à Radio-Canada. Je travaille à Radio-Canada. Regarde, je sais pas c'est quoi ses compétences, OK, mais il y a eu la job, OK? Fait qu'arrêtez de m'achaler avec ça, c'est fini. On passe à un autre dossier. Parlons donc du pont Champlain. Hein? On s'en sac du pont Champlain. J'habite à Rosemont, moi je le prends jamais le pont Champlain, m'en fous. Mais oui, mais faut penser aux gens de la Rive-Sud. Non, moi je pense aux gens de Kamloops, Jean-Philippe. Il n'y a pas de pont Champlain à Kamloops et je les félicite. C'est vrai, on est coast to coast. Hein? On est coast to coast. Coast to coast, parfait. Mais en même temps, il n'y a pas juste à Montréal qu'on a des problèmes de circulation. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il paraît que Québec s'en est acheté du trafic récemment. Ben, oui, pour... Non, il paraît que c'est le Vietnam sur les voies réservées. Ben voyons donc. Ouais. Dis-moi pas qu'il lance du napalm ses autobus. Non. Mais il y a de l'action pour vrai. Hein. Ah paraît-il ouais. Que sur les voies réservées pour les autobus, il y a des automobilistes qui essaient d'empêcher l'accès aux autobus. C'est de la folie. J'imagine que c'est un mouvement spontané. Oh, très peu de spontanéité à Québec, ben franchement. Non, c'est ça. Ça vient des radios privées. Ah ah, le vomi sort du sac. Ouais. Mais tu sais, Québec, hein? Ouais. Je veux dire, ils aiment ça être à part, ces gens-là, franchement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Si nous, on était jambon, eux, ils seraient du côté du gros bon sens. C'est vrai. Mais comme nous, on est du côté du gros bon sens. Jean-Jambon! C'est ça. Non, mais on aime ça. On les aime. Puis on aime ça, le jambon. Ah, aussi. Le jambon. Mais dans le temps des sucres, c'est pas mauvais. Oui, t'en tombes sur le cœur vite. Ouais. OK, on va immédiatement passer à nos invités de ce soir qui ne viennent pas de Québec, heureusement. Heureusement. Ah oui, on reçoit. Non, mais on reçoit tout d'abord le chroniqueur cinéma de la presse, Marc Cassivi. On est très content. Oui. Ouais. Ouais. En même temps. Chroniqueur cinéma, c'est vite dit. Il me semble qu'il chronique tout sauf le cinéma ces temps-ci. Ben, je me rappelle David Adel. Il y a bien aimé ça, lui. Hein. Mais de toute façon, vous arrangez avec lui. Moi, j'ai le carton, Fred. Sinon, on reçoit également l'ancienne ministre de l'Immigration, Yolande James. Ouais. On est très heureux. Ouais. Très heureux. Mais là, pourquoi on reçoit juste l'ancienne ministre de l'Immigration? Pourquoi on reçoit pas... On n'est pas assez gros pour recevoir l'actuelle ministre de l'Immigration? Ben, c'est parce que c'est Diane de Courcy. Ah ouais, OK, c'est correct. Ouais. On va prendre Yolande, je pense. Non, on a plus de fun. De toute façon, Fred, on aura le temps de changer d'opinion sur la belle Diane, parce que la soirée est encore jeune. Oh. Hey, le public est en feu ce soir. Ah, hey boy. Olivier! Oui, ben comme d'habitude, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir Richard Martineau avouer écrire ses chroniques de la main droite en buvant du vin de la main gauche, la belle vie. Ben oui! OK, on passe au courrier des auditeurs. Ben, il y a Catherine Barde-Duchesneau qui nous dit « Sur la page Facebook de C'est pas trop tôt, il y a un certain engouement pour une nouvelle danse appelée le Bazo Shake. Okay. Êtes-vous jaloux de ne pas avoir l'équivalent pour votre thème musical? Ben, » on n'est pas jaloux pantoute, et d'ailleurs, nous aussi, on est capable d'en faire des soirées shake, là. Alors j'invite nos auditeurs à se filmer en train de danser comme des Mongols sur la chanson thème de notre émission, à mettre ça sur notre page Facebook, et ils courront la chance d'être sur notre page Facebook. Ouais! Participez en grand nombre! Non, participer en grand nombre, sans blague. Ben oui. Ça va être le fun. Oui, ça va être super le fun. On va aller parler à Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Allô? Oh boy. Comment ça va, Jean-Seb? Ordinaire. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ben je veux dire, honnêtement, là, je ne vous ferai pas d'accroire, Jean-Philippe. Ça va être super plate ce que je vais vous faire aujourd'hui. Ben, c'est voyons donc, c'est quoi qui se passe? Ben, en fait, c'est parce que c'est pas vraiment moi qui ai choisi le sujet. C'est plus comme une espèce de commande de la direction, si vous voulez. Ah, pas leur affaire sur l'humour, là? Oui, leur affaire sur l'humour. Ah, Seigneur Dieu. Ben, c'est ça. Pour ceux qui le savent pas, en fait, c'est que Radio-Canada est associé à la présentation du deuxième colloque sur l'humour. Mais ça va être qui votre invité ce soir? Ben, attachez votre sucre. Moi, bon, Jean-Philippe, vous allez voir, super original, Louise Richer. OK, ben, elle est bonne, Louise Richer. Oui. Ben, je le sais, mais je veux dire, elle est venue l'année passée à l'émission, elle était super bonne, mais je pense qu'après 8 minutes, on avait fait le tour. Ben voyons donc, vous êtes donc bien méchant. Ben elle est super fine, oui. Cette femme-là. Ben, je le sais, c'est pour ça l'affaire. Ma mère aussi est super fine, puis je n'invite pas à l'émission. Mais pourquoi vous avez accepté de faire ça, là? Ça rend tout le monde dans la laisse, oui. C'est moi qui vais gérer ça dans le studio pendant toute la soirée. Ouais, mais en fait, c'était une condition que m'a posée la direction pour me donner mon show de Noël, que j'ai obtenu d'ailleurs. Ah. Ça va être une version hivernale des Bronzés font de la radio. Ça va s'appeler Les Bronzés vous passent un sapin. OK, c'est assez, Jean-Sébastien. Une émission spéciale de Noël. Nos invités seront Christian Bégin et Pierre Lapointe en prestation. Ah, Christian Bégin en prestation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer du bracelet de cuir, voyons donc. Voilà. À la réalisation, Jean-Loulou Gagnon. Ah, non. OK, c'est assez, Jean-Sébastien. On l'écoutait même pas cet été. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Préposé à la cantine, Lucien Bordelot. Non. OK, mais de toute façon, regarde. Non, Jean-Sébastien, y a-tu vraiment du monde qui va écouter ça par vos parents? Là? Franchement. Mon père, il est mort. Ben, ça va vous faire un auditeur de moins. C'est que je vous dis. En tout cas, c'est bien beau, OK? Ben, Jean-Sébastien, peut-être qu'on s'en parle tantôt. Hey, je sais pas, Fred, si vous avez vu cette très intéressante nouvelle qui nous apprenait que la NSA espionne les habitudes pornographiques des islamistes radicaux. Oh oui, j'ai vu ça. Et savez-vous quoi? Non. Ça m'a donné une idée. T'es-tu sérieux? Une idée pour notre palmarès hebdomadaire! Oh boy! Ben oui! Les semaines sont longues. Le dernier qu'on a fait, c'était au mois de mai l'année passée. Oui. Je le sais, mais je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Des semaines de 200 jours. Ouais, c'est ça. Alors, voici donc les 7 films les plus regardés selon la NSA par les islamistes radicaux. Attends, un top 7? Ouais, on a. Ben, alors, écoute, ça fait un an qu'on n'a pas fait. On a accumulé du stock. OK, en 7e position, Charte profonde. C'est l'histoire de mon amie Fatima qui se fait enfoncer un projet de loi de 2 pages dans le fond de la gorge. En sixième position, niqab ta mère. C'est l'histoire de deux musulmanes, MILF, qui ouvrent une garderie, mais on ne sait pas vraiment si ce sont des MILF parce qu'elles ont un tchador. Mais non, voyons donc! C'est, juste pour le commun des mortels, c'est quoi une MILF? Musulman like to friend. Okay. En cinquième position, La vie d'Adèle. Un vieux réalisateur libidineux se pète un time en filmant deux filles prépubères faire du gros sexe pendant 700 heures et gagne une palme d'or. Ah, c'est tel quel, en fait. Ben ouais, c'est ouais. Ça, y a pas de... C'est tel quel, y a pas de... En quatrième position, Debbie does Dubaï. C'est l'histoire de Debbie qui s'en va à Dubaï passer mille et une nuits pour faire des pipelines à de nombreux shakes. Franchement! Du mot social, bonjour! En troisième position... C'est long, un top 7, hein? Ouais. En troisième position, deux chèvres en or. C'est l'histoire de deux chèvres à l'âle qui s'ennuient à la maison et Donald Pilon vient les rejoindre. En deuxième position, la graine et le mulet. Trois madames s'empiffent de couscous pendant que leurs maris s'en vont avec le mulet dans un motel du boulevard Taschereau rejoindre Donald Pilon et les deux chèvres. Ah, ouais. Et en première position des films les plus regardés selon la NSA par les islamistes radicaux, Emmanuel! Ah. C'est l'histoire... Oh mon Dieu. C'est l'histoire d'une femme en Arabie Saoudite qui apprend à conduire automatique. Emmanuel! Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de pornographique là-dedans, franchement? Il paraît que c'est bien porno une femme qui conduit un char en Arabie Saoudite. Ah ouais, ouais, vraiment. Eh boy! On fait plus ça, hein? Non. OK. Premier invité, vraiment. Chroniqueur cinéma à la presse, il écrit pourtant sur beaucoup d'autres sujets et pas trop sur le jogging quand même, on aime bien ça. Accueillons Monsieur Marc Cassimi! Hey Marc! Hey, j'ai de la bière sans gluten! Oui, j'ai pris de l'eau. Ah, OK. Ouais. Mon Dieu. Vous allez courir demain matin? Pas avec toi. Non, non. Ouais. Non. Non, hey, très content de recevoir un chroniqueur de la presse, vous êtes seulement notre quatrième. Et non, on n'a pas eu le temps de parler, toi et moi. Vous et moi, je sais pas pourquoi je vous tutoierais ben ouais. Ici. Non, je me sens mal. Oui, c'est Radio-Canada. La presse plus, c'est-tu beau ça? C'est beau, hein? Non, c'est bien oui, fait. C'est beau. Et je lis ça à chaque semaine. Mais il y a une chose que je comprends pas, Marc. Pourquoi vous, dans vos chroniques, on voit rarement de choses multimédia? Non, on en voit des extraits de films, mettons. Ah oui? C'est multimédia, on ne voit pas trop. Mais je ne les lis pas assez avec attention. Non, mais moi, je suis un peu... Old school? Ouais. Vieille école, j'écris des textes, après ça, j'envoie ça. Puis il y a des jeunes qui vont mettre ça en page. Ça rentre! Avec ça rentre! Hey, fait que le cinéma, vous, c'est un peu fini, hein? Parce que je vous lis récemment, puis il me semble qu'on parle peu de films. Oui, mais moi, je suis, en fait, je suis chroniqueur aux arts. Alors, je chronique de façon générale. J'ai une chronique cinéma le samedi dans le Cahier Cinéma, mais je chronique sur toutes sortes de sujets qui touchent à la culture. J'aime ce qui est culture et société. Ça fait que c'est normal que des fois, je normal. Sois loin du cinéma. Ouais. Parce que je m'attendais, moi, à lire une critique de Hot Dog. Ah non, ça, je l'ai lu. J'étais pas je l'ai fin. Fait, je l'ai fait. Oui, oui. Ça, ouais, c'était pas ça. Fin, ça. Hein? C'était juste, je crois. Ben, faut dire que c'est à peine un film. Hein, quand même. Oui, je parle pas ça. Que de cinéma. Hein. Non, on rit bien. Mais parlant de rire, vous avez parlé de l'humour cette semaine. Parce que c'était la semaine de l'humour. Il y avait des colloques et tout. Très intéressant, d'ailleurs. Et vous aimez ça, l'humour? Et oui, j'aime ça, l'humour. Oui? Oui. Quel genre d'humour qui vous plaît? J'aime l'humour intelligent, j'aime l'humour politique, l'humour social, j'aime des fois l'humour... Tu vois, ta liste, là, tantôt, le top 7... Le top 7, c'était drôle, ça. Ça, moins. Ça, c'est moins. Parce qu'on a ri de la graine puis le mulet puis le vilain d'elle, ça, c'est des films que... Non, ben, j'aime pas bien ça, cet humour-là. Non, l'humour drôle, c'est moins bon. Non, mais non, vous avez... En fait, c'est intéressant parce que vous avez assisté à la table ronde sur les femmes et l'humour cette semaine, qui est franchement un sujet de discussion qui revient à chaque année, à chaque fois qu'on parle de l'humour. Et est-ce que la question qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est à la suite de ce colloque-là et de cette table ronde-là, est-ce qu'ils ont trouvé une solution au fait que les femmes, c'est moins drôle? Est-ce qu'il y avait comme des pistes de solutions? En fait, ils ont très vite balayé du revers de la main cette question-là n'est pas pertinente. C'est-à-dire? Elle n'est pas pertinente. D'ailleurs, en ouverture du colloque, Chantal Lamarre a dit, c'est une fille qui va chez le médecin et le médecin lui dit, écoutez, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Okay. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes comique. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous donner des hormones puis vous allez faire fortune quand vous allez devenir un homme. On est loin, on est très loin de la parité et de l'équité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore pertinent. Tu dis, vous dites, pardon, que tous les ans, on revient sur le sujet. Ben, je pense qu'il reste pertinent, malheureusement. Les femmes peinent encore à faire leur place. Il y a des jeunes, oui, il y a des jeunes qui gagnent des prix, des Corinne Côté qui sont en vue, mais ça reste une minorité encore. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce qui fait rire encore, c'est les jokes de mon oncle là, sur l'histoire de couple, puis tu sais... Il y a une fille qui, puis moi avec mes chums. C'est ça qui fait rire. Je suis allé, puis là, je ne veux pas faire de. Je ne veux pas préciser de nom nécessairement d'humoriste, mais je suis allé voir Philippe Bond. Non, c'est ça. Mais je suis allé voir Philippe Bond. Je l'ai déjà vu, moi aussi. Ouais, c'est ça. Puis en fait, en première de Louis-José Hood. Et, on va dire les vraies choses. Ces blagues, c'est des blagues. Des blagues de. Oui. Ben, c'est ça. On va dire les vraies choses, c'est que quand t'as un show. En première partie, tu prends généralement pas quelqu'un qui est à la hauteur de ton talent, comme ça, tu te fais bien paraître. Mais non, mais il demeure que c'est ça qui pogne. Oui, malheureusement. Ben, sincèrement, moi, j'ai été un peu renversé. Je vais voir des shows d'humour. Je vais pas dans les bars où il y a des où les humoristes rodent leur spectacle. Ouais. Et puis cette semaine, quand je suis allé au colloque et puis qu'on disait, on nous présente non seulement en disant la prochaine c'est une fille, mais la prochaine, c'est la délicieuse. J'étais avec elle dans la loge tout tantôt, puis oh là là. C'est-tu drôle, ça? Hein? Ça me renverse. Ouais. Vraiment, ça me renverse. Parlant de renversant, vous avez aussi chroniqué sur troublevoir.ca, qui est en fait la nouvelle plateforme que le journal Voir s'est donnée pour... exister. Ouais. Pour repousser l'échéance. L'expression, parce que c'est menacé, hein, l'expression au Québec, là, c'est s'exprimer et tout. Là, la liberté d'expression, ils ont établi une nouvelle plateforme où ils invitent des blogueurs un peu radicaux à s'exprimer, dont Gab Roy, oui. Qui est l'invité de Tout le monde en parle cette semaine. D'ailleurs, je pense que vous avez eu un accrochage avec Guy A. Lepage sur Twitter. Un échange. Quoi que c'est de la façon dont vous parlez sur Twitter, vous, hein, vous échangez. Oui, j'échange. Une coupe de coups de poing. Mais donc, vous avez écrit une chronique là-dessus, puis c'est intéressant parce que justement, ça donne une place à des voix qui sont. Qui ont leur auditeur, qui ont leur lecteur déjà. Mais c'est comme si on légitimait, en fait, des gens comme Gab Roy qui ont fait ce texte sur Marie-Lou Wolfe qui avait scandalisé à peu près le reste de la population. Là. Oui, puis qui a suivi ça avec une entrevue avec un gars qui disait que qu'Isabelle Gaston était responsable de la mort de ses enfants, puis on. Qui est un misogyne fini, puis on met ça en onde. Puis après, je trouve que de donner à cet humoriste-là, je ne sais même pas si c'est un humoriste ou un polémiste ou je ne sais pas quoi, de lui donner une tribune où les gens vont pouvoir le voir, 1,5 million de personnes. Moi, je trouve que des émissions comme ça ont une responsabilité. Tout le monde en parle, a une responsabilité. Tu veux mettre sur la map un gars qui fait des... Puis j'ai trouvé l'ironie assez saisissante. En sortant du colloque où je vois des humoristes, je vois des jeunes femmes qui ont de la misère à se faire connaître, à être médiatisées. Mmh. Puis dans l'après-midi, j'apprends qu'un gars qui fait un texte horrible, je veux dire, sur Marie-Lou Wolfe. Lui, il a son passeport pour aller à l'émission. Je trouve ça un peu... Mais en même temps, il n'y a pas l'idée... Je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans la peau de la production de Tout le monde en parle. Je n'écoute pas cette émission-là. Mais... Il y a 12 jours... Tu n'as pas de télé. Hein, non, c'est ça. Il n'y a pas l'idée aussi de vouloir les confronter. Je pense pas que Tout le monde en parle veut leur donner la promotion, mais en même temps, ils le font en les invitant, c'est vrai. Mais parce que moi, il y a eu des échos de cette... On va le voir dimanche, mais il paraît que ça a brassé un peu. Oui, ça a brassé. Ouais, on l'espère. C'est la moindre des choses. Ben, ça a brassé, puis on fait la promotion de ça. J'ai vu que c'était déjà dans la promo de l'émission. Okay. Pour moi, c'est déjà de leur donner une tribune. Ouais. C'est un choix, c'est mettre en lumière ce truc-là. Ouais. Après ça, même si tu y confrontes... Hey, vous me le dites, je dérange. Hein? Je suis d'accord. Ouais. Non. Non, mais il n'y a pas de problème. Parce que il y a un sujet que je veux vraiment aborder. Mais voilà, allez-y. La vie d'Adèle. Ah, ben allez-y, je vais lire un livre pendant ce temps-là. On a tout notre temps. Non, mais c'est intéressant, mais là, il faut absolument qu'on parle d'un sujet qui est très important pour moi. Je suis allé voir La vie d'Adèle, qui est un film... long, qui m'avait été conseillé par deux chroniqueurs de la presse qui ne s'en pouvaient plus de vivre de ce film. Les deux marques, je pense. Oui. Et c'est plate en sacre à force. Honnêtement, là, on va en parler un peu. Je suis allé le voir. Ça a été... Comment vous faites pour aimer des films de même? Est-ce que c'est les gens dans la salle qui ont vu La vie d'Adèle? Je vais vous faire un résumé rapide. C'est un film de fesses, en fait. C'est deux filles qui couchent ensemble pendant 3 heures. Et c'est, en fait, l'histoire d'un réalisateur qui s'est pété un time pendant 700 heures à filmer des scènes de sexe. Et je vous entendais lire et dire à quel point c'est extraordinaire, ce film-là, avec Marc-André Lucier. Oui. Et quand je suis assis dans le cinéma, que j'ai traversé pendant ces 3 heures interminables, je me suis dit... Est-ce que c'est utile, des critiques de films comme ça? Parce que peut-être que ça indique pas au grand public vraiment qu'est-ce que c'est. Oui. Est-ce que c'est trop précis? C'est comme voir une toile de Chagall puis de puce en pouvoir. À un moment donné, c'est un barbouillard, tu sais, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, c'est parce que, tu sais, c'est pas toutes les semaines où tu peux aller voir Robocop 5, là. Je veux dire, la prochaine fois, je te dirai ou je te guiderai vers le cinéma le plus proche. Oui. Pour moi, ce film-là, c'est une histoire d'amour formidable et tragique. 3 heures! Et 3 heures. Et tu sais quoi? Oui. Je serais resté pendant 5 heures encore. Ah, j'en aurais pris plus. On ne pourra jamais être amis, puis ça me rend oui, bien. Oui, c'est ça. Parce qu'on... Parce qu'on court. Moi, j'ai très hâte d'aller voir le dernier film. Il était une fois les Boys. Et? Non, mais je suis capable de m'intéresser à d'autres choses. J'aime les films, mais franchement, La vie d'Adèle, c'est un petit peu too much. Oui. Il était une fois les Boys. L'avantage, c'est que tu reconnais tout de suite les acteurs. Puis on peut rire à l'avance. On n'a même pas besoin de rire sur place. On sait qu'on va rire. On arrive là, on rit pas, c'est pas grave. Ce qui est un peu malheureux dans ce film-là, hein? C'est que les acteurs qu'on connaît à cause de la série télé et des autres films, ben, ils jouent pas leur propre rôle. Ils jouent les parents des Boys, ça se passe dans les années 60. Ouais. Et puis, est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Oh, et donc, Marc Messier, il joue le père du futur Robert. Arrête-toi! Et oui, il y a des caméos. Moi, j'ai vu la bande-annonce et ça n'a pas l'air super. Je ne sais pas si vous pouvez en parler. J'ai pas le droit d'en parler, ouais. Vous allez être poursuivi, okay. Mais... mon Dieu, on n'est pas une poursuite près, là. Non. On fait des bandes avec celle qu'André Boisclair nous envoie, puis on fait ça du chat. Un peu de variété dans nos mises en demeure, ça ferait du non, bien. Non, j'ai donné moi aussi, de toute façon, okay. De ce côté-là. Fait que c'est pas si pire. Bon. C'est bon. Pas si pire. Donc, c'est pas mais très bon. C'est pas un chef non plus. Mais c'est pas 3 heures. C'est ça, la grosse affaire. Non. Marc Lassivy, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu à la télé. Oui. Je regardais chez Bazo hier, c'est pour ça. Je me sens mal. Oui, vous êtes occupé, vous, jeudi soir. Hein? Le jeudi soir, moi, j'enregistre une autre émission de TV. Ah, oui. Qui est en même temps qu'une autre émission de TV qui s'appelle C'est juste la TV. Oui. Et vous étiez là il y a 2 ans. Oui. Vous avez été remplacé cette année, on va dire, par Jean-Michel Dufault. Oui, c'est vrai. On va faire le remplace comme ça. Et peut-être que. Est-ce que vous l'écoutez encore? Rarement. Pourquoi? Vous écoutez 2 hommes en or. Le vendredi soir, tu vois, ce soir, je vais voir Fabien Cloutier. Souvent, je suis pas à la maison. Vous savez que moi aussi, je fais ça. Ah oui? Ouais, on va y aller ensemble. Oui. Les deux, je vais voir les deux. Ah, yeah, c'est extraordinaire. Ce sera mon vendredi soir. Donc on va pouvoir parler théâtre après, voir s'il aimait ça. Je ne regarderai pas Télé-Québec. Non, ben, on peut l'enregistrer, pas de problème. Ça. Mais, fait qu'on va. On se tient un petit resto. Ben, on s'en parle. On s'en parle tantôt. Vous restez avec nous, hein? Oui. OK, parfait. Oui. Parce qu'on reçoit Yolande James, on va discuter aussi. Peut-être la vie d'Adèle, peut-être qu'elle l'a vu. Non, mais j'en reviens pas encore de ça. On dirait que je vous haïs pour ça. Mais c'est parce que c'est 3 heures de ma vie que je n'aurais pas. Il y a des gens qui m'haïssent encore pour La graine et le mulet, qui me disent ça m'a coûté 55$, il y avait la gardienne, je suis allé chez le coiffeur avant. Il y a des gens qui me réclament le prix de la soirée. Il y a des gens qui se coiffent pour aller au cinéma. Ça fait 4-5 ans. Là. Je sais, mais je vais vous en vouloir longtemps pour la vie d'Adèle, honnêtement. Hey, non, franchement, c'est exagérant maudit. Merci, Marc. Moi, La graine et le mulet, j'ai aimé ça, par exemple. OK. à la demande générale, on vous revient cette semaine avec de la publicité à l'émission parce qu'il n'y a pas juste Espace Musique qui a le droit d'arrondir ses fins de mois. On écoute. Allez, demain, dans le Journal de Montréal. Richard Martineau nous relate sa visite dans la communauté hassidique de Boisbriand déguisée en niqab avec des boudins et une kippa par-dessus et démontre en un argument béton pourquoi ils n'ont pas d'humour contrairement à lui. Mathieu Bock-Côté résume en 3000 mots une idée qui en prendrait normalement 500. Guy Fournier nous explique dans sa grande série de 200 textes sur le même sujet pourquoi Radio-Canada fait juste de marde. Et surtout, un dossier de 140 pages sur la nouvelle entente de télédiffusion des matchs du Canadien à TVA Sport qui aura enfin des codes d'écoute et les réactions de nos experts comme Éric Oziel et Stéphane Gonzalez. Le Journal de Montréal. Un journal qu'on aime lire, mais surtout feuilleté. Oh! On va aller trouver Jean-Sébastien Girard qui s'amuse toujours. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Je suis toujours donc à l'École nationale de l'humour pour le maudit grand bilan du colloque sur l'humour qui s'est clôturé hier à Montréal. Et je suis avec Mme Louise Richer, directrice de l'école. Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps que j'ai porté un accueil comme celui-là. Vous êtes bien fit. Alors, un des événements, Mme Richer, qui a retenu l'attention au cours de ce petit colloque, c'est cette fameuse table ronde dont on parle depuis le début de l'émission, sur les femmes en humour. Allô, l'originalité, je veux dire, c'est probablement la première fois qu'on en entendait parler. Je veux dire, comment, Loulou, qu'est-ce qui restait encore à dire? Ben oui, c'est un milieu d'hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est toujours pas de notre faute. Puis je veux dire, moi, personnellement, Louise, il y a plein de femmes au Québec qui me font rire. Je pense à des Clémence Desrochers, à des Marie-Claude Lortie, à des André Boisclair. Moi, Marie-France Bazot. Marie-France Bazot, le matin, avec son personnage de femme confuse, elle est vraiment, vraiment, vraiment très bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que vous avez tout à fait raison. De toute façon, je raconte le fait de tenir une table sur l'humour des femmes. Mais, voyez, Marc Cassivi a apprécié. Alors, j'ai fait ça pour Marc Cassivi. Ah! Marc Cassivi en même temps. Mais je veux dire, le problème, ça serait peut-être pas un petit peu les thèmes qu'elles abordent. Je veux dire, est-ce que les thèmes féminins sont vraiment des thèmes universels? Moi, en tant qu'homme, est-ce que je suis obligé de rire de blagues de tampons et de boculottes? Premièrement, il y en a très peu de blagues de tampons et de boculottes, mais elle est là, la problématique. C'est que la femme qui parle de son vécu, c'est un thème féminin, mais l'homme qui parle de ses machines, de ses chars et de sport, ben c'est un thème universel. C'est vrai, c'est absolument universel. On s'en parle. Oui, tout à fait, oui. En même temps, je veux être de bonne foi, Mme Richer, je peux reconnaître effectivement que les femmes en humour, c'est une problématique. D'ailleurs, ici, à la soirée est encore jeune, on est bien conscient de ça, tellement qu'on n'en engage pas. Donc, comme ça, évidemment, l'émission est drôle. Il n'y a personne qui broye dans le bureau quand on fait des blagues. Il n'y a personne qui s'en va à 3 heures d'après-midi parce que les enfants font de la fièvre. Je veux dire, le monde idéal. Je comprends, mais ça n'en va pas cher exactement, présentement. On appelle ça un faire-valoir en humour. Alors, on va revenir, mon bon Jean-Philippe, dans quelques minutes avec la suite du bilan. Oh boy. Ça fait mal, hein? Ouais. Ouais. Écoutez, la soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Potier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première. Une émission qui trouve que 328$ pour aller voir Jerry Seinfeld, c'est sûrement la meilleure blague de son spectacle. C'est en anglais, les gens du Québec savent-tu? Ouais, mais ça va être traduit okay, comme, théâtre, comme à l'opéra. OK, good. Hey, Fred, je pense que c'est à vous. Oui, hey, ben, oui, je veux revenir. Pardon? Faites-nous rire. Je vais essayer, mais je veux revenir sur cette... C'était la Semaine nationale de l'humour. Ah oui, c'est vrai! Dans tout le Québec. On en a bien peu parlé. Bon, c'est sûr, hein, c'est de l'humour. On regarde ça de haut au Québec. Hein, les humoristes sont souvent confinés dans l'anonymat des salles obscures. On en a que pour les chanteurs, les syndicalistes crosseurs et leurs amis politiciens. Mais il y a des gens pour qui le métier est de tenter de faire rire, Jean-Philippe. Et je pense qu'il est important de leur rendre hommage. C'était d'ailleurs cette semaine que se tenait le deuxième colloque sur l'humour organisé par l'Observatoire de l'humour. Un colloque extraordinaire, hein, principalement parce qu'on m'y avait invité à titre de panéliste. Ah oui? On parle donc de gens de goût. Ce fut un succès sur toute la ligne grâce, oui, à ma participation, mais également grâce à une gamme variée de tables rondes qui ont ratissé large et tenté de donner ses lettres de noblesse à un art bien malmené au Québec. Faudrait que je parle à Jean-Sébastien avant de faire mon sujet de chronique. Ouais, hein? L'inverse. Non, mais je vous donne en vrai quelques exemples de tables rondes et de réflexions qui ont été menées pendant le colloque, comme par exemple, écrire l'humour français et l'humour anglais entre recherche et pratique, 2 points. Comment joindre les deux, entre parenthèses, 4, bout. Où on se questionnait à savoir comment faire pour avoir plus d'humoristes comme Sugar Sammy. Certains se demanderont avec raison, est-ce une bonne chose? Moi non plus, je ne suis pas sûr, mais en même temps, avoir un deuxième Sugar Sammy drôle, ça serait quand même un gros progrès. Je m'en voudrais de ne pas parler de la table ronde autant de la rectitude politique auquel je participais humblement, en compagnie de gens plus obscurs comme Yves Pépeltier, François Havard et Marc Laurando. Et ce fut clairement le moment fort des 3 jours du colloque, particulièrement quand le président, là c'est véridique, quand le président de l'Association québécoise des personnes de petite taille est venu prendre la parole à la toute fin pour dénoncer l'usage abusif du terme nain dans l'humour québécois, ce qui a jeté une douche d'eau froide dans la salle. Et pas juste une douche, mais aussi un petit beaver, hein, la douche pour les personnes de petite taille. Mais la douche ne s'arrêta pas là, puisque le comédien Paul Cagelet, petite personne lui-même, prit également le micro pour me pointer du doigt, avouant qu'il écoutait régulièrement ici Radio-Canada Première, et aussi cette émission, hein, celle-là ici, où il entendit une blague sur lui. Et boy, je peux vous dire que je n'étais pas de grande taille dans ma chaise. Ne me rappelant plus la dite blague, mais Cagelet le relata, c'était celle sur le musée Grévin, on s'en rappelle, qui avait pris tellement de cire pour Ginette Renault qu'il n'en resta pas pour faire Paul Cagelet. Il avoua lui-même que c'était une blague du meilleur cru, ce qui m'a permis de passer une bien meilleure soirée. Je vous parle de tout cela pourquoi? Ben, premièrement, parce que mes patrons m'y ont obligé, mais aussi parce que j'estime qu'en ces temps troubles, il n'y a que l'humour pour nous empêcher de sombrer dans la folie ou pire, joindre les rangs de trouble.voir.ca. Prenez les gens qui doivent prendre le pont Champlain sans prendre l'humour pour traverser ce pont soir et matin. En même temps, j'avoue que comme Montréalais, j'en ris un peu de voir toute cette panique digne de la bande de Gaza autour du pont. Mais en même temps, ça nous donne une petite pause du plateau bashing qui, soudainement, n'est plus un si mauvais endroit pour y vivre. Hein? Sinon, l'humour nous aide énormément à ne pas vouloir péter des yeux quand on apprend combien était payé le PDG de Tourisme à Montréal depuis une vingtaine d'années. Et ça prend encore plus d'humour pour apprécier le texte d'André Pratt qui le défendait en disant « Oui, c'est vrai, c'est cher, mais bon, il a fait du travail extraordinaire pour Montréal. » Bon, il faut avouer que Pratt manie l'humour de main de maître quand vient le temps de défendre l'indéfendable. Un indéfendable qui a souvent sa carte du Parti libéral. C'est en écrivant hier soir à temps perdu notre discours d'intronisation au Panthéon de l'humour québécois, qui j'ose le croire s'en vient bientôt, j'espère qu'il y a des gens qui vont se réveiller, que je me suis rendu compte de tout cela, que l'humour est plus que jamais salutaire dans ce monde pourri et ce Québec putréfacte, ça c'est un néologisme. Et je pense que nous participons, Jean-Philippe, à l'hygiène collective du Québec grâce à notre humour ravageur. Je sais que certains trouvent qu'il y a trop d'humoristes au Québec, mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de nous. Bravo. Ben, je vois d'ailleurs que vous dites bravo sans applaudir. Oui. À mon avis, c'est un 2 étoiles et demie. Bon, on va retourner. Tu sais que je fais du jogging aussi. Ouais. Oh, 3 étoiles. Bon, ben, on va aller s'hygiéner l'esprit avec Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir, mon bon Jean-Philippe. Eh bien, c'est le moment de l'émission où on parle du colloque de l'humour. Ah ben, c'est nouveau. Oui, eh bien, vous savez, hein, il y a une autre table ronde, Mme Richer, qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est celle, évidemment, qui rendait hommage au groupe Les Cyniques. Là. Ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir, à un moment donné, deux autres? Je veux dire, c'est bien beau, là, mais ça fait 50 ans, puis il y en a juste 2 de vivants. Je veux dire, des vieilles jokes de curé, puis de Maurice Duplessis. C'est-tu vraiment si drôle que ça? Oui, c'est encore très drôle. Ceux qui sont en train de marquer l'humour au Québec présentement, c'est probablement nous, ici, à la soirée sans jeunes. On s'entend, bon, avec moi, qui fait montre d'audace et de beaucoup d'irrévérence, avec Jean-Philippe, qui fait montre de répartie et de beaucoup d'impertinence, avec Fred, évidemment, qui fait montre d'intelligence et de rigueur, et avec Olivier. Donc, est-ce que vous pensez qu'éventuellement on peut faire l'objet d'une table ronde dans votre colloque? Sûrement, parce que contrairement à d'autres qui ne s'accordent pas de pouvoir d'influenceur, visiblement, vous, vous n'avez aucun problème. Et, c'est beau à voir que des gens assument et sont capables de s'afficher comme des agents de changement social. Définitivement, la prochaine fois, vous serez au cœur même de notre colloque. C'est ça, des beaux compliments que j'ai reçus. Alors, dans le colloque où ça, on a parlé évidemment de rectitude politique, ma question, est-ce qu'on peut faire des blagues surtout en 2013? Par exemple, en 2013, à Radio-Canada, est-ce que je pourrais faire une blague qui commencerait par « Une fois, c'est une noire, un italien, puis un fraîchi à la soirée d'encore jeune. » Hey, je suis même pas italien. Je parlais pas de vous, Jean-Philippe, c'est juste une histoire. Je veux dire, comme Yolanda James, c'est pas noire. Ben oui, elle est noire. Elle est noire? Bon Dieu, mais je l'entends même pas, moi, quand je l'entends parler. Ah ben, je veux dire, moi, honnêtement, de toute façon, les histoires de noir, je peux même pas croire que ça existe encore. Je veux dire, du bon monde puis du mauvais monde, il y en a dans toutes les races, de toute façon. Alors, parlons d'autre chose. Alors, on va inviter le public à vous écrire. Alors, si vous avez des questions sur l'humour, sur les thèmes qui ont été développés dans le cadre du colloque, vous nous écrivez à lasoirée@radio-canada.ca et on vous revient dans quelques minutes. Ouais, je suis pas sûr. OK, bye! Notre deuxième invité, s'il te plaît. Ex-ministre de l'immigration sous les libéraux, elle participe maintenant à l'effort démographique en étant nouvellement maman. Accueillons Madame Yolande James! Ah! Enfin salut, du contenu! Salut. Non, attends! Ah oui? Ben non, je mais je pensais que vous m'aviez invité à l'honneur du Black Friday quand même. Oh! OK, elle est bonne. Elle est bonne. Mon Dieu! Souvent, on dit qu'il faut partir quand on fait la meilleure blague. Salut! Bye, bye! Hey, non, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une politicienne du Parti libéral. Ah oui, c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. En fait, on a eu Jerry Sklavounos. Vous connaissez Jerry? Ben, je le connais, Jerry, ben oui. Oui, ah ben justement, on va peut-être en parler un peu parce que Jerry nous parlait à l'époque de Fatima Oudapépin. Ouais. Puis. Qui? Oh! Non, non, c'est vrai. OK, parfait. On va revenir là-dessus. OK, pas okay. de trouble. On garde ça en tête, Jerry Slavounos. Jerry okay. ou Fatima? Ah, les oui, deux, c'est très, c'est intrinsèquement lié. Là, vous voulez des potins, là, c'est non, ça? Non, ben, bon, on va en parler tout de suite, on est rendu là. Parce qu'on sait que Fatima, ou Dabépin, oui. s'est prononcée un peu contre la ligne du Parti libéral. Okay. Et à l'époque, on dirait que vous êtes sur vos gardes. Non. OK. Pas tout. Parfait, au good. J'écoute. Ah oui, OK, parfait. Et là, ça, c'était quand on a reçu Jerry, c'était juste avant qu'elle se prononce. Et là, okay. j'ai posé la question à Jerry, j'ai dit elle est où, Fatima? Qu'est-ce qui se passe avec Fatima? Avez-vous ouais. des problèmes avec Fatima? Puis Jerry avait dit comme. Ouais, ben, vous la connaissez-vous, Fatima? Tout le monde a des problèmes avec Fatima. Fait que ouais. je me dis, boy, OK. Ça a été une belle. Oui, ça, je vous jure que ça. Je vous jure. Je vous jure que c'était un beau moment. C'était un moment surprenant. C'était un moment okay. Paul Cagelet. Ouais, c'était un. Et là, je me demande, vous, est-ce que vous la connaissez, Fatima? Ben oui, je la connais très bien. Puis? Ben moi, je veux dire, Fatima, c'est. Non, non, mais je vous écoute. Vous oui, comme... oui, non. Fatima, c'est une femme qui a. Puis ça, là, c'est... je dis même pas ça pour être têteuse. C'est une femme, on peut être d'accord ou pas. Mais c'est une femme qui, d'abord, qui s'exprime très bien, puis elle a une capacité là, de bien articuler sa pensée, puis c'est une fonceuse. Mmh. Alors moi, je la respecte énormément, sans farce. Non, non, je sais. Est-ce que je suis en train de vous dire que je m'entends avec, je veux dire que je m'entends avec oui, ou que je suis d'accord avec tout ce qu'elle pense? Non. Toujours? Non, non on ouais. est quand même des individus. Ben oui. Vous avez accouché quand, vous? Le 3 avril. Oh. Du plus beau bébé au monde. En plus? Ah ouais. Hey, j'ai entendu quelqu'un qui me dit aussi ah ouais. qu'elle avait accouché non, du non, plus mais beau moi, bébé au monde. Non, non, mais moi, c'est vrai, là. Ah, OK, pour vous, c'est okay. le vrai, là. Ah, OK, ben félicitations. Merci. Ouais. Oh. Est-ce que vous allez revenir à l'Assemblée nationale bientôt? Vous êtes revenu? Je ne suis pas l'actualité, je regarde pas ça. Ah, ben, je suis revenue, mais vraiment une journée par semaine à l'Assemblée. Ah, pour avoir votre congé de maternité, là, votre. Non, non, non, non, non, non, non. Okay. Je tiens à vous dire que quand on est élu, oui. on n'a pas de congé de maternité. Ah non, mais vous êtes. Alors ce que je fais, ouais. moi, je dis, garde, ça va. Puis je pense que les gens comprennent bien ça. Je suis à l'Assemblée une journée par semaine, mais moi, j'habite à 5 minutes de mon bureau de comté. Alors, ça me permet de faire mon bureau de comté puis de mes activités, puis tout va bien. Mais à ce moment-ci, là, j'accepte pas de partir 3 jours semaine. Je comprends très bien, mais vous si pourriez... les gens ne comprennent pas ça, ben regardez. Ben, votez pour le Parti québécois. Vous ne voterez pas pour moi, ben puis non, je vis très ça. Bien avec ben ça. De toute façon, Jean-Marc fait un bon travail, Jean-Marc Fournier. Là, ben oui, il n'y a pas besoin d'aide. Pas besoin de moi. Ben oui. Je suis quand même has-been. Est-ce que vous êtes has-been? Non, non, non, non, ben non. Mais il me semble que vous avez à peine 36. J'ai eu 36 ans jeudi dernier. Mais bonne fête. Mais c'était la fête de tout le monde au mois de novembre. C'est juste du bon monde né au mois de novembre. Je le sais, moi aussi. Ça donne bien. Marc? Janvier. Hey, mon oh. non. Ça, c'est non. les pires, ça. Oui, c'est... hey, mois de janvier italien. Moi, c'est en juillet. Oh. Okay. Non, mais c'est pas non, intéressant, okay, Fred. Mais est-ce que vous seriez game d'amener votre enfant à l'Assemblée nationale? Ça s'est vu en Italie récemment. Ouais. Oui, je sais. À l'Assemblée nationale, au quotidien, non. Je veux dire, pour rendre visite une journée, mais siéger, oui. ça serait le fun, non? Mais là, non. C'est pas parce le fun que, les adultes, imagine les enfants. Je vais vous expliquer quelque chose. Là. Ouais. Avant d'avoir un enfant, je me disais, puis c'est ça, c'est-à-dire que t'apprends, OK? C'est pour ça que je dis que la maternité, là, c'est comme vraiment l'humilité. Ouais, ouais, hein? Parce que je me disais, ben je vais avoir mon enfant, puis au début, il n'y aura pas de problème. Il va venir avec moi à Québec. Là, ben ouais. Puis mon chum, là, c'est ouais, correct. Là, ouais, t'inquiète pas, ça va bien c'est aller. C'est rien que la politique. C'est pas mais... Ben, je stressais un peu. Ah, c'est pas que je n'étais pas stressée, mais je pensais que. Mais lui, il commence à avoir sa routine quand même, ses siestes, puis ça se fait. En tout cas, pour moi, je juge pas les autres. Peut-être en Italie, ça va bien, ou ailleurs, non. pour d'autres mondes. Là. Ça va mais super pour moi, bien, là, ça marche pas. Mais c'est qu'on pense deuxième ça. Aussi, moi, c'est ça. Quand j'ai pardon? Un enfant, on pense deuxième. Oui. C'est l'enfant. Ah, ça, c'est ça, j'en ferais, ça me ferait tellement de bien, ça, d'avoir un enfant. Oh, c'était une des bonnes à soir aussi. Aïe, aïe. Vous savez ce qu'on dit, Fred, hein? Quand on sort la meilleure, on s'en va. Bye-bye. Hey, non, mais là, on va parler de choses sérieuses quand même. Oh, super, super, okay. Non, mais on va parler de votre chef, Philippe Couillard. Oui. Hey, ça va bien pour lui. Il y a un bel automne. Ça. Ben oui, ben bon. Hey, on l'appelle Philippe Flop, c'est-tu drôle? Non, mais c'est vrai qu'on l'appelle Philippe Flop. Mais c'est ça, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en politique, en ce moment, là, c'est pas facile, point. Pourtant. Puis quand t'arrives aussi chef de parti, que ce soit au Parti libéral ou au Parti québécois, peu importe, ça c'est sûr que c'est pas facile. Est-ce que ça arrive qu'on a des choses à apprendre? On est dans l'opposition officielle. Il va rentrer, j'espère bien, à l'Assemblée nationale. Ça va lui permettre... Ce serait bête qu'il perde à Outremont, par exemple. Hein? On va travailler pour qu'il gagne, en tout cas. Oui, je pense que la job est faite. Ils ont mis des pancartes. Non, mais c'est à Outremont, quand même. Votre chef se présente dans Outremont, mais il avait quand même dit qu'il allait se présenter au général à Saint-Félicien, qui est sa nouvelle maison, à quelque part, son nouveau chez soi. Oui, je pense pas que c'est son nouveau chez soi, non, mais je pense que... Mais non, son nouveau depuis quelques années, quand même. Mais c'est établi là. Pourquoi pas attendre aux élections générales? Parce qu'on parlait de période préélectorale tantôt. Il me semble que ça fait un an et bientôt trois mois qu'on est en période préélectorale, en fait, depuis les dernières élections. Mais pourquoi pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en aura pas bientôt des élections? Ben, on le sait pas. C'est un gouvernement minoritaire. Ouais. Vous pensez pas le défaire bientôt? Je pensais qu'il allait y en avoir il y a un mois. Ben moi aussi, j'aurais bien d'ailleurs, le gouvernement annonçait de l'argent là, à tous les jours. Ouais. Puis là, on a un déficit. Là. Oups. En tout cas, C'est ça. Mais c'est pour vous dire qu'on ne le sait pas quand il va y avoir des élections. Quand c'est un gouvernement minoritaire, ça peut être on va être en 2014, ça peut être au printemps comme ça peut être à l'automne. Puis, de toute façon, est-ce que le PQ fait une si mauvaise job que ça? Oui. Ah, OK. Effectivement. Parle-moi de ça. Pas de niaiserie, tiens. Ah non! Ah, ouais. On manquait d'objectifs. Ça ressemble à un débat au caucus du Parti libéral. Dernier sujet, parlant justement du bilan du parti. Là, c'est dangereux. Oui. Oh non, mais non, quand même, c'est quasiment un plus pour vous. Okay. Vous avez été ministre de la Famille. Oui. Et là, on parle du bilan de la ministre de la Famille, qui est Nicole Léger en ce moment. Oui. Et je trouve qu'elle fait un très bon boulot parce qu'elle veut rapatrier les données des parents actuellement éparpillées dans plusieurs bases de données là, pour les garderies et tout. Et ça, je me disais, vous avez été ministre de la Famille. Pourquoi pas avoir pensé à ça avant? Mais je vais vous dire. que, en tout cas, moi, ma priorité. Puis quand je suis arrivée au ministère de la Famille, en 2010, c'était vraiment dans un contexte où faut dire que c'est un ministère qui a comme poussé en 14 années, puis on devait développer des plans. C'était quel ministre avant vous, d'ailleurs? C'était Tony Temesco. Ah, lui! Ouais. Ouais, c'était Tony. Ah. Alors, je suis arrivée, mettons, au ministère durant une période où, on va dire, ça brassait pas mal. Alors, j'essayais de... mettons, de replacer les choses pendant cette période-là. Ben, vous avez fait un bon travail. Ça doit pas être facile de laver après Tony. Non. Hey, comment il va, lui, d'ailleurs? Je ne sais pas. Non? Non. Monsieur Charest, va comment? Pas. On essaie de l'avoir ici à l'émission, puis il vient pas. Non. Mais il a pas dit non. C'est juste compliqué. Mais il a pas dit non, c'est qu'il a pas répondu. Non, il y avait ça qui a dit plus tard. Ah oui, OK, mais moi, je... Avez-vous une bonne relation avec Jean? Ah oui. Moi, je trouve que les gens ont été... en tout cas, il y a la politique, puis il y a la vraie vie. Ouais. Puis, en parlant de ça, moi, ça me fait rien de partager. Quand on a des difficultés ou quoi que ce soit, c'était le premier ministre du Québec, mais on pouvait aller le voir, puis on pouvait dire que même quand je pensais, je dirais, oh là, mon chum, on se marie, on veut avoir des enfants, puis tout ça, puis je sais pas comment... vraiment à l'écoute, là. Puis toujours quand tu vis des moments difficiles, parce que c'est sûr qu'en politique, tu vas en vivre, surtout quand tu essayes de faire des affaires. C'était la personne qui était là pour dire « Vas-y, yo, t'es capable de le faire, là, c'est pas le temps de lâcher. » Je t'appelle yo! C'est vraiment cool, ça, par exemple. Tout le monde. Ça, c'est vraiment cool. Mais tout le monde, pas tout le temps, là. Mais j'imagine. Je pense que la C ont essayé de l'appeler yo, ça a comme pas marché. Qui, ça? La C. La C. Les étudiants, ils ont fait yo. Ils ont fait beaucoup yo. Vous répondiez pas. Non, je répondais pas. Non, mais on parlera pas de ça. Non. Ça sert à rien. C'est déjà même fini. Déjà? Ben arrêtez. On est à Radio-Canada. On a des limites de budget. Ah, je comprends. Non, mais c'est comme ça. Vous allez revenir. Cherry. Comment? Il faut payer Don Cherry. Ouais, mais c'est peut-être la dernière année. On se prend des doigts. Ouais, c'est vrai. On touche le budget à TVA l'année prochaine. Vous allez revenir avec votre enfant la prochaine fois? Avec mon enfant, vous êtes sûr? Ben c'est super le fun. Puis on va juste enlever l'alcool. Mais c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment le fun. En plus, puis il est beau puis tout. Ah, il est beau puis tout. Oh, Caroline. OK, on en parle plus tard. Okay. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, yo. Merci. Hey, parlez-moi de ça. C'est capoté. Fred, présentez-nous donc notre prochain chroniqueur. Ben oui. Si écouter de la radio Jambon à cœur de jour était rémunéré par Tourisme Montréal, il serait probablement milliardaire. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben, exceptionnellement, cette semaine, j'ai décidé de vous parler du colloque de l'humour. Ben non, c'est pas vrai. Ah, OK. Comme chaque semaine que le bon Dieu nous amène, il a encore été question de la charte des valeurs machin dans les médias cette semaine. Oui? Même que Ginette Renault a été interrogée sur sa spiritualité. Et Ginette, ben, c'est pas une Jeannette. Dieu, c'est l'énergie pour moi. Jésus, ben, il y avait un pénis puis des couilles puis des apôtres, là. Mais moi, pour moi, Dieu, c'est de l'énergie qui un jour s'ennuyait, qui était toute seule puis il y a eu le Big Bang puis il nous a tous créés puis notre âme avait. Voilà, Jésus avait un pénis, des couilles et des apôtres. Ginette a des seins, des souliers à talons hauts et visiblement, ben, de la brume dans ses lunettes et ailleurs. Dans le même ordre d'idées, Benoît Dutrisac s'indignait cette semaine du dossier spécial de la presse sur le voile vu sous l'angle de la mode. Selon lui, la presse joue le jeu des islamistes qui veulent imposer le voile dès la naissance. À la naissance, tu mets une couche puis un voile. C'est complètement mongol et débile. C'est complètement arriéré. C'est pensé comme un chameau. Puis il y a des imams qui pensent comme des chameaux. Pourtant, pas besoin d'habiter le désert pour raisonner comme un chameau, puisqu'André Arthur, qui sévit maintenant dans la banlieue de Montmagny, avait aussi son grain de sable à ajouter au débat, notamment sur la stratégie du PQ. Ça mise sur des affaires tellement épeurantes, le racisme, l'intolérance, le mensonge, la manipulation... C'est quasiment hitlérien dans son processus. Rien de moins. Et ça fonctionne surtout parce que... Fondamentalement, les Québécois sont racistes. Et ils sont pas racistes parce qu'ils sont méchants. Ils sont racistes parce qu'ils sont peureux. Et il faut croire qu'André Arthur est peureux en pas pour rire, puisqu'il y a à peine 2 mois, il parlait des immigrants qui viennent de pays où il y a des chameaux, comme ceci. Ils arrivent de leur pays de cul, parce que c'est tous des pays de cul, et ils décident d'imposer leur valeur de pays de cul à nous autres, parce que ça leur fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il faut protéger nos valeurs. Et la valeur la plus menacée cette semaine au Québec, c'est notre droit de ne pas être pogné dans le trafic causé par la maudite voie réservée aux autobus à Québec. Après avoir fait appel à la désobéissance civile il y a quelques semaines, Sylvain Bouchard de Cogeco a dû constater qu'il est en train de perdre la guerre. Et actuellement, avec le PQ, les environnementeurs sont au... pouvoir. Alors Godreau veut rien savoir, il reculera pas, même si c'est le bordel sur Robert Bourassa. La bataille de Robert Bourassa, si on la perd, on va perdre Henri IV et leur ancienne. Eh oui, l'autoroute Robert Bourassa sera peut-être le Waterloo des chauffeurs de Civic Monté. Ce qui inquiète aussi Jérôme Landry de Radio X, sauf que lui, un environnementeur, il appelle ça un enverdeur. On est pas à Montréal ici. OK, là? Ici, on se fait pas passer n'importe quoi puis n'importe quel discours d'enverdeur, là. Non, non, les gens de Québec ne se feront pas avoir, surtout par un ministre qui est même pas du vrai monde, comme l'explique Véro, la co-animatrice de M. Landry. Ça m'énerve quelqu'un qui a pas une vraie vie puis qui va venir me dire, moi, je vais vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Quelqu'un qui a une fausse vie ne peut pas comprendre les vraies affaires. Puis en plus, le vrai monde a les deux mains liées sur le volant. Tu sais, certains gauchistes qui travaillent pas, là, quand vient le temps de bloquer des rues, là, sans sac, ils travaillent pas. Mais là, nous autres, là, les citoyens col rouge qui se lèvent le matin et qui travaillent fort, on peut pas bloquer des rues. On en a besoin pour aller travailler, aller porter les enfants à l'école, puis tout, on n'a pas le temps. Et qui de mieux placé que Sylvain Bouchard, un célibataire sans enfants qui sera au travail à 4 heures du matin pour les défendre? Je vous le demande. Faudrait placer du vrai monde qui connaît rien au transport à la tête du ministère, comme ils ont fait à Montréal avec la STM. Faut dire qu'à Montréal, quand même, c'est plus facile parce que le monde est bien docile en matière de trafic, comme en politique, et c'est Éric Duhaime qui le dit. À Montréal, là, il n'y a plus de lutte électorale. Mm-hmm. Le monde, là, il vote comme des robots lobotomisés, puis ils se demandent comment ça se fait que Leuville va mal. Des robots lobotomisés? Vous réfléchirez à ça? D'après moi, c'est pas mal pire que de penser comme un chameau. Restons dans le monde des cerveaux en mauvais état pour terminer avec le débat sur les commotions cérébrales qui continue de faire rage. Des anciens joueurs poursuivent la LNH, des mamans poursuivent le hockey mineur, mais Carl Monnette de Radio X, lui, veut poursuivre avec du hockey comme dans le temps de Dédé Shore. Si vous avez peur maintenant que votre enfant soit malade ou qu'il se passe une commotion à jouer au hockey, ben Chris, allez l'inscrire au balai. Comme ça, il n'y en aura pas de problème. On va-tu finir à un moment donné le niaisage? Ça continue même dans 5 ans. On va jouer au hockey avec une rondelle en styromousse. C'est ça que vous voulez, des sports de fif? Ben allez-y! Ben oui. Puis de toute façon, avec Canadien qui s'en va à TVA Sports, là, l'avenir est radieux pour les joueurs commotionnés qui cherchent une deuxième carrière. Oh. Merci Olivier. Ça fait plaisir. Que de sagesse sur les ondes de notre radio. Encore une fois, on répond à la demande générale. Autant chez nos auditeurs que chez les gens poignés dans le trafic, on écoute une autre publicité. Avec les voies fermées sur le pont Champlain, pourquoi ne pas changer vos habitudes en adoptant le transport collectif? Vous passez la journée au bureau assis devant votre ordinateur? Pourquoi ne pas la commencer debout dans un train de banlieue? Vous aimez échanger avec vos voisins, même quand ceux-ci sont assis sur vos genoux? Vous allez adorer le transport collectif. Vous trouvez que votre patron est bête comme ses pieds? Attendez de voir nos chauffeurs. Votre patron est un clown. De plus, découvrez nos horaires variables qui sont toujours une belle occasion de tester la théorie de la relativité. Et nos stationnements incitatifs sont très efficaces. En vous faisant voler vos roues, vous resterez stationné très longtemps. Vous n'avez pas le budget pour aller à New York? Avec le transport collectif, vous avez enfin les moyens de rester aussi longtemps dans un train que si vous alliez à New York. Avec un peu d'imagination, ça peut faire un très beau voyage. Transport collectif, une solution écologique pour se faire chier avant d'arriver en retard au bureau. C'était un peu jambon. Ouais. Comme message. Est-ce qu'on reçoit beaucoup d'argent avec cette publicité-là? Oui, ou énormément. OK, parfait. Ouais. Et on va les rouleaux de 25 sous, là, écoute, ça... c'est extraordinaire. Et on va aller retrouver Jean-Sébastien parce qu'on est obligé. C'est nos patrons qui nous l'obligent également. Jean-Sébastien, bonsoir. Beaucoup de courriels ici pour vous, Mme Richer. Alors, trois courriels. Je commence le premier qui nous vient de M. Jean-Baptiste James et qui nous dit ceci. J'ai assisté au colloque sur la rectitude politique. En substance, les intervenants disaient que nous pouvons rire de tout, mais il ne faut pas renforcer les préjugés. Je suis pas certain de bien comprendre. Par exemple, dites-moi si la blague suivante, elle est racontable ou si elle renforce un préjugé. Alors, voici la blague. Non. Pourquoi les Noirs courent vite? Parce qu'ils sont habitués de courir avec des TV. J'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu. Ça rend pas à peine les péchés. Un autre courriel qui nous vient d'une F. David de Rosemont. Effectivement, c'est pas mal poche qu'il n'y ait pas de fille à la soirée, est encore jeune. Ne pensez-vous pas, Mme Richer, qu'il devrait engager au moins une fille? Au pire, il pourrait faire du montage et ou faire écrire ses textes par des gars. Engager une fille pour aller porter les bouteilles d'eau. C'est vrai. Aller chercher du café. Ça serait vraiment... Je peux pas croire que vous n'avez pas une fille. Ça, on va s'en trouver une. Et un dernier courriel qui nous vient de F. Savard de Rosemont. Écoutez ceci, Mme Richer, et venez pas me dire que c'est pas meilleur que les cyniques. Deux points. C'est en écrivant hier soir, à temps perdu, notre discours d'intronisation au Panthéon d'humour québécois que je me suis rendu compte de tout cela. Mon bon Jean-Philippe, nous participons à l'hygiène collective du Québec grâce à notre humour ravageur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est d'une telle évidence. Je pense que ça conclut bien, ça conclura bien éventuellement, là, lorsque vous serez des invités spéciaux. Et moi, je vais militer, je vais faire du lobbying pour que ça se fasse dans les plus courts délais. C'est déjà terminé, Mme Richer. Ça a été un véritable plaisir de traiter ce sujet-là avec vous. Merci infiniment. Et à très bientôt, j'espère. Pour ma part, pas tellement agréable. Merci, Mme Richer. Bon, on n'est pas tout seul. Mais, hey, que c'est dur de l'aimer, ce Jean-Sébastien-là, des fois. Eh bien, c'est déjà terminé, imaginez-vous. On vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où il y aura plein de sujets vraiment intéressants. Et ne manquez pas demain à Culture Club, Fred Savard, qu'on exporte partout. Oui. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Rastreau, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, le grand Alex Courteau. Et un gros merci à Barbara Judicaron, qui est notre fille de l'émission de ce soir. Oui. Et un gros, gros merci à nos invités de ce soir. Marc! Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. On peut vous lire sur les cinémas dans la presse le samedi. Et autres sujets. Surtout autres sujets. Et on peut vous voir jogger dans la rue du Mile End quand on est chanceux. Et Yolande James, on a hâte que vous retourniez à l'Assemblée nationale au moins 4 jours semaine. Et aux prochaines élections, l'automne prochain ou au printemps prochain? On verra. Oh non, ça, c'est la ligne à François Legault. Ah, oups! une autre bonne blague, merci beaucoup! Merci énormément pour écouter notre balado sur notre site web. On est plein pour les prochaines semaines, mais venez nous voir en janvier, nos invités de la semaine prochaine, François Legault. Oh, justement, on verra. Et on André Ducharme, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée, qui est encore jeune! Yeah!